89.1. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On passe la prochaine heure ensemble et comme à l'habitude, je vous ai fait une belle sélection de musique qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc, tout ce que vous entendez à l'émission, c'est possible de télécharger les pièces. Vous pouvez même les remixer dans certains cas. Rendez-vous sur la page de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. Il y a la playlist aussi, plein d'informations en relation avec le monde du net audio. Donc, sans plus attendre, on va débuter avec un artiste publié sur l'excellent net label Larry Dea. C'est Tapires que je vous fais entendre la pièce Opus 7. Tout de suite après, publié sur Chase Records, c'est Break Trails avec la pièce Countdown. Donc, on débute avec ces deux pièces-là. Bye. We'll be right back. Des Pays-Bas, c'était Brick Trails avec la pièce Countdown. C'était publié sur Chase Records. Avant ça, on avait débuté Web Music avec un artiste autrichien de la ville de Vienne. Plus précisément, il s'agit de Tapiresque avec la pièce Opus 7. C'était publié ça sur Larry Day, un excellent netlabel qui nous vient de l'Allemagne. Pour poursuivre Web Music, on va se diriger dans la ville de Tours, en France. L'artiste s'appelle Kanchi. Je vous fais entendre la pièce Détrivore. C'est publié sur Digital Pit. Ensuite de ça, tout de suite après, de la Hongrie, c'est Kiss Zanto avec la pièce Jungle 8000. Ça, c'est publié sur Dusted Wax Kingdom. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Kanchi avec la pièce Détrivore. We'll be right back. Perel, une histoire de famille. J'ai toujours envie de me blottir contre toi et je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime. Je t'aime. Ici Marianne et moi, ma famille s'étend de Limoilou au Sénégal. Et je suis très heureuse d'être porte-parole du Radiothon 2012 de CKRL. Je vous invite à venir fêter avec nous ce grand rassemblement des artisans de la radio. Salut, ici Webster de Limoilou Stars. Les créateurs de toutes les disciplines seront en nombre pour vous offrir une fin de semaine exceptionnelle. CKRL, c'est une histoire de famille. Je suis celui qui t'en donne et qui te montre comment s'embauche sur devant comment ça sort. Je vous donne rendez-vous les 30, 31 mars et 1er avril prochain. Ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie, la Boîte à pain et le Bal du Lézard. Je vous invite donc à donner généreusement. Pour devenir membre de cette grande famille. Vous avez l'oreille curieuse? Vous recherchez des sons différents? Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens? Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. À ne pas manquer en mars à l'Amplique Québec. Préparation au studio avec Stéphane Rancourt. Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau. Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie. Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron. Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet. La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard. amplidequebec.qc.ca 88-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Devenez membre de CKRL ou faites un don pré-radioton et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150$ à la boutique Le Pédalier. 150$ chez Sillon le Disquaire. 418-640-2575 ou sur sillon.com. CKRL. De retour à Web Music. Donc, tout juste avant la pause, on entendait un artiste de la ville, plutôt de la Hongrie. Il s'agit de Kizanto. C'était la pièce Jungle 8000, publiée sur Dusted Wax Kingdom. Avant ça, ben, c'était de la ville de Tours. C'était Kanshi avec la pièce Détrivor. On va poursuivre Web Music avec une pièce intitulée Glitchando. C'est par Koroko Bokaido. Vous allez voir, vraiment bon. Ensuite de ça, sur Vatican Records, il s'agit de Andy Monroe. Je vous fais entendre sa pièce Some Kind of Miracle. Ça suit tout de suite après Koroko Bokaido, qu'on écoute tout de suite. Thank you. stranger. Toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste qui nous vient de l'Italie. Il s'agit de Andy Monroe. C'était sa pièce Some Kind of Miracle, publiée sur Vatican Records, un net label assez pété, merci. Beaucoup de musique gratuite, beaucoup d'albums assez surprenants. Donc, allez faire un tour sur Vatican Records. Je vous le recommande. Avant ça, ben, c'était un artiste de la ville de Séville en Espagne. C'était la pièce Glitchando par Coroco Bocaito. Donc, vraiment excellent ça aussi. On va poursuivre l'émission avec un artiste du nom de Buck Andrews. Je vous fais entendre sa pièce Nak Shkob. C'est publié sur Politicide. Ensuite de ça, de la région de Midi-Pyrénées en France, c'est l'Onironaute. Je vous fais entendre la pièce Amoureux. Vous allez voir, c'est aussi excellent. On écoute tout de suite Buck Andrews. Excellente pièce publiée sur un net label que j'adore. Il s'agit du net label de Buddha Beats. Plein de bons albums en téléchargement gratuit sur Buddha Beats. L'artiste se nomme Lonny Renault. C'était sa pièce Amoureux. Donc, allez télécharger son album. Ça vaut vraiment la peine. Son album s'appelle Les Chimères Exquises. Donc, je vous invite à le télécharger. Vraiment excellent. Pour ça, ben, rendez-vous sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez retrouver les liens vers les artistes. Donc, il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible pour ceux qui manquent des bouts d'émission. Donc, tout ça, c'est pour vous. On va donc se quitter sur une dernière pièce. Ben oui, c'est déjà la fin de Web Musique. Tout de suite après, c'est l'émission Un beau temps, mauvais temps avec Guy Tremblay qui va suivre. Il me dit qu'il va faire jouer un peu de musique irlandaise, mais je me doute que ça doit sûrement pas être de la musique avec du pipeau. Donc, restez à l'écoute, vous allez voir. Je suis certain que Guy nous a fait une belle sélection. Donc, ben c'est ça, on va se quitter sur une dernière pièce. Le groupe vient de la Suède, il s'appelle Ixlan. Je vous fais passer la pièce Galaxy Overload in the Circle of Eight. Donc, c'est publié sur Trorg. Vous allez voir, excellent, on se quitte là-dessus. Bonne soirée. Radioton de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie. Barberie. Barberie. manquez pas le 30 mars prochain, la première journée du Radioton de CKRL présentée par la Caisse Desjardins de Limoilou. Sa nature coopérative lui permet de s'impliquer activement dans son milieu en soutenant la promotion de la vie culturelle de Québec et de tous ses artisans. Par des soutiens financiers de plus de 550 000 $ en 2011 et ses 150 employés dévoués, la Caisse Desjardins de Limoilou a à cœur de vous offrir des services financiers de haute qualité tout en travaillant au développement de sa collectivité. Tout comme CKRL, la Caisse Desjardins de Limoilou est une entreprise qui vous appartient. C'est une histoire de famille. Visitez desjardins.com/caisse-limoilou pour en savoir plus. En collaboration avec le Bal du Lézard, CKRL présente Viva Zappa. Viva Zappa, le seul groupe québécois qui rend hommage à Frank Zappa. Viva Zappa, une soirée remplie d'humour et de musique, extrait des disques parus entre 1965 et 1978. Out from your TV set. Viva Zappa, le spectacle bénéfice du Radioton 2012 de CKRL au Bal du Lézard le 31 mars. Exclusive Groove vous invite au spectacle de Slim Moore and the Marques. Acclamé par les critiques, la voix soul de Slim Moore et les rythmes funky de l'orchestre feront vibrer le dance floor de Québec. Slim Moore and the Marques. Le vendredi 23 mars à 21h07, 228 rue Saint-Joseph-Est. Pour une soirée soul coulée dans le moule Motown. Les mardis 9h, Geneviève Desgagnés nous parle sport. Pas de résultats, pas de pronostics, que le plaisir et la passion de faire de l'activité en solo ou entre amis à Sport pour tous. Un magazine pour maximiser sa forme physique à CKRL. Devenez membre de CKRL ou faites un don pré-Radioton et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150 $ à la boutique Le Pédalier. 150 $ chez Sillon le disquaire. 418-640-2575 ou sur sillon.com. CKRL. Thank you.